1% blanc, 1% noir, 1% j'ai aimé, 1% j'ai détesté, 1% à deux, 1% seul, 1% à l'arrache, 1% préparé, 1% à nous deux, 1% podcast. C'est parti. C'est parti. Je rallume mes... Je peux ? Oui, oui. Ah bon ? Bonjour Céline. Salut Karine. T'es chiante, hein ? Pourquoi ? Moi, je vais arrêter. Bon, alors on se voit aujourd'hui pour un potentiel dernier 1%. C'est pas crédible. C'est pas crédible. Pourquoi ? On... C'est le dernier ou c'est pas le dernier ? Voilà. Ouais. Bah oui. Il faut qu'on tranche. Vous allez nous aider. Envoie ta gueule. Ouais, voilà. Je voulais te poser la question. Est-ce qu'on continue ou pas ? Et dans ma tête, ma réponse était déjà, c'est le dernier. Ah. Voilà. Non, mais si, c'est vrai. Des fois, je pose des questions aux gens, mais j'ai déjà ma réponse qui est faite. Donc, je te la pose quand même. C'est pas du tout orienté. Non, hein, t'es film de psychologue, ma chère Karine. Mais tout à fait, ma chère Céline. Est-ce que tu veux continuer ou est-ce que tu veux pas continuer ? C'est la question. Alors, on va prendre le problème depuis le début, si ton texte soit un problème. On n'arrive pas à avoir une rigueur dans la publication, hein, oui. qui était quand même prévue à la base. Une fois par mois. Un par mois, bon. Si on se rend à l'évidence, on n'y est pas. On n'y est pas. Je crois qu'on a dû même rater l'anniversaire, puisqu'on a dû passer l'année, peut-être. Non, je ne sais pas. Bon, enfin bref, ça n'a aucune importance, mais quoi qu'il en soit, voilà, on a du mal à le faire parce qu'on a du mal à sortir le micro quand on est ensemble. Oui, voilà, parce que c'est pas pour de se voir. Mais ouais, en plus, on se voit souvent, mais on n'y pense pas. Alors est-ce qu'on s'applique une rigueur à dire, allez, on y va, machin, mais est-ce qu'on aura quelque chose à dire ? Est-ce qu'on va se forcer ? Est-ce qu'on va faire de la merde ? Bah, parce que parfois, ça a été ça. On a enregistré, on n'arrivait pas... Il n'y avait rien, voilà. Donc ils n'ont pas été diffusés ceux-là, hein, ouais. Déjà, ça a toujours un super intérêt, mais là c'était encore pire quoi. Mais en général, tu prépares plus quand tu fais des podcasts. Quand je suis toute seule. En dehors de moi ou avec d'autres ou toute seule. Bah oui. Oui, là c'est un freestyle, c'est vraiment freestyle. Bah voilà, c'est pour ça. Là je suis arrivée avec juste l'idée, c'est le dernier. Avec la chanson des Doors dans la tête, This is the end. Mais du coup, on a dit qu'on chantait pas, Karine. This is the end. My friend. My only friend. Ouais. Et c'est tout, en fait. J'avais absolument rien préparé. Alors, ça n'a jamais été le but. Voilà, on a essayé. Si, on a essayé au début. Souviens-toi, on avait noté des choses. Ah, oui, c'est vrai. Ouais. Et. Mais voilà, après c'est moins fun. Mais le problème de Karine, c'est qu'elle enregistre après. On discute une heure de temps avant. C'est vrai. Et du coup, tu... C'est un petit peu comme si on faisait le briefing. Et voilà. Après, je fais un espèce de débriefing où je dis, eh ben voilà, c'est ça qu'il faut qu'on mette dedans. Et puis ça, mais c'est trop tard. Mais en fait, Céline, tu veux qu'un seul jet. Bah, parce que j'arrive pas à refaire. Ouais. Toi, tu refais enfin, ça t'arrive de... Ouais, voilà. Bah, moi, je radote. Donc, ça me pose aucun problème. on peut le refaire. Ouais. Non, après, il y a une chose qu'il faut préciser. C'est le pourquoi, à la base, on a commencé. Oui. Mais on n'avait même pas de pourquoi. Oui, mais moi, j'en avais un. Ah. Ah, je te l'ai jamais dit. Cachetière. Non. Non, mais c'est ça. Et là, je vais être très sérieuse. À chaque fois qu'on se voit, on a des discussions super intéressantes, mais lourdes. Ouais, hein, c'est pas faux. Bien quand même. Et souvent à la fin. Et moi, quand je fais du podcast, tu vois, quand j'enregistre, quand je suis, tu sais, c'est toujours. C'est marrant, sympa, c'est dans une bonne humeur un petit peu, voilà. Et du coup un jour où on a eu une discussion quand même bien glauque. Je me suis dit, merde, fais chier, quoi. À chaque fois qu'on se voit, on finit en larmes. Et puis, je me suis dit, tiens, je pense que si je lançais un truc comme ça avec toi et que t'étais partante, on pourrait se marrer un peu. Ça, De temps en temps, ça serait pas mal, quoi. Et donc, du coup, c'était un prince, c'était, voilà, c'était le podcast thérapeutique, mais tu savais pas. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que c'était sympa de pouvoir faire autre chose. Voilà, et sortir. Et de réfléchir à autre chose que... Voilà, que sortir de tout le temps notre boucle qui est... C'est pas faux. Nécessaire. Ouais, de temps en temps, c'est bien de faire autre chose, quoi. Il n'y avait pas d'autre but, en fait, c'est un truc complètement égoïste, mais j'assume. Ouais. Non, non, mais c'est gentil, c'est bien d'y avoir, d'avoir pensé. Ah, c'est et ça a marché parce qu'on a eu pas mal de délire quand même. Ah, on s'est bien marré. On s'est bien marré. Ouais, et je pense que personne n'a entendu l'épisode de La Reine des Neiges. Mais putain, on s'est bien marré. C'est vrai. Ah, j'avais zappé. Oui, c'est vrai. Ouais, ah non, c'est vrai, c'était sympa. Tu veux faire autre chose? Ouais. C'est cool, ça me va. Mais un truc écrit est un peu. Ouais, humoristique. Je te montrerai ce que. Ah, t'as déjà pensé à des trucs? Non, pas construit du tout, mais ouais. Truc fun, on pourrait faire. On essaiera. Moi je suis complètement partante. Je sais. J'ai même pas besoin de. Je te pose pas la question, Karine, je sais. Ok, c'est cool. Mais ouais, on peut essayer. Donc on tue 1% là ce soir? On clôture 1%. Ah oui, on clôture. Moi je le tue, mais oui, on clôture. Ah toi tu le tues, moi j'avais pas entendu. Ah pardon. C'est pour ça, on tue 1%. Des fois les podcasts finissent pas. Oui. Il n'y a pas de... Bon bah c'était le dernier épisode, mais ils le savaient pas encore que c'était le dernier, et puis ils ont jamais pu en refaire, et puis ça sert. Bon bah nous au moins on va juste... On l'a programmé. Voilà, on programme la fin. L'euthanasie, on n'a pas parlé, et ça c'est glauque aussi. Tu veux qu'on parle d'euthanasie là? Non, pas du tout. On tue le podcast. Bah ouais, on tue celui-là, et puis c'est comme ça, c'est bien, ça fait partie du jeu, et on en fait un autre. Ça marche. Bon bah c'était cool, on a vraiment passé un bon moment, mais... Oh, on va faire une rupture. Comme on fait une vraie rupture, une vraie rupture amoureuse, parce que quand même on les aime nos auditeurs, les deux qui nous écoutent. Salut. Salut à toi. Et puis l'autre, salut à l'autre. T'es trop bien pour moi, tu sais, je peux pas. Je peux pas te faire ça parce que ouais. Voilà, la rupture. Alors, un puissant ça fait deux et en l'occurrence, j'ai plus trop envie que ça fasse deux. Donc bah là on leur dit en face que c'est la fin, quoi. Voilà. Faut passer à autre chose. Tu dis tout le temps. Faut passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Non, mais. T'es trop bien pour moi. Ouais. Je vais te faire du mal. C'est pas la peine. À nous écouter, vous allez vous faire du mal. Faut pas. Ouais, voilà. Donc, bon. En tout cas, on s'est bien marré. Ouais, c'était sympa. C'était bien sympa. Il y en a eu peu, mais de qualité. Enfin, je crois. La qualité, je sais pas, mais en tout cas, le rire, oui. Oui, ça, c'est oui, quand même oui. Bien sympa. Ouais. Voilà. Salut 1%. Salut 1% et puis bonne route. Bonne route. Voilà. Ouais. Merde, le cendrier il est coincé. Ah. Je sais pas qui me l'a offert. Sûrement une conne. Voilà. Bon, et ben voilà. Ah non, mais ça fait presque bizarre de dire c'est la fin. Mais non, on part sur autre chose. On va... Voilà. À bientôt dans un autre truc, on ne sait pas quoi. Voilà. Eh ben au revoir. Salut. Salut, salut. À la prochaine. Salut Karine. Salut Céline. On va peut-être se rapprocher. Ouais. Bah ouais, je pense. Encore. And he came to a door, and he looked inside, Father, yes, son, I want to kill you, Mother. I want to